assise et j'attends que tout me revienne. Je sais que tu la revois, mais moi j'espère. J'espère que tu m'oublieras, car moi c'est déjà fait. Nos soirées, nos secrets, oui, c'est déjà du passé. Tu gardes la voiture et moi on les blessures. Je ne veux pas, je ne crois pas à tes excuses. Tu peux t'agenouiller ou même me supplier. Je n'écoute pas, je ne crois pas à tes excuses. La vaisselle est déjà passée par les fenêtres. Tu te crois tout permis, même de briser mon être. Je n'ai pas encore redit mon dernier mot. Je te hais, je te plais, mais tu n'es qu'un sot. Mais je ne veux pas, je ne crois pas à tes excuses. Tu peux t'agenouiller ou même me supplier. Je n'écoute pas, je ne crois pas à tes excuses. Lettre oubliée, ton odeur. Ça y est, c'est fait, tu as perdu mon cœur. Je ne veux pas, je ne crois pas à tes excuses. Tu peux t'agenouiller ou même me supplier. Je n'écoute pas, je ne crois pas à tes excuses. Tu peux t'agenouiller ou même me supplier. Je ne crois pas à tes excuses.